Le Comité national d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme du Nigeria a publié le 1er septembre dans son page internet un écrit condamnant les États-Unis et leurs suivistes qui ont lancé de nouveau un défi tout en publiant au Conseil de sécurité de l'ONU un communiqué accusant les mesures de renforcement de dissuasion nucléaire autodéfensive de la Corée comme le lancement d'essais de l'engin balistique de sous-marin stratégique en plongée.